penserai à toi longtemps. Adieu. Chaque femme, moi je te cacherai dans chaque larme. Adieu, adieu, le monde n'est plus rien sans toi. Adieu, ce bel été passé ensemble, j'aurais voulu qu'il dure toute une vie. Mais les orages de septembre portent le chagrin et la pluie.